Y'a encore du chemin à faire et des tas de choses à apprendre. J'ai voulu la fin de la guerre, ils m'ont ramassé à 30. Ils ont volé la joie des frères et ils veulent pas la rendre. Je veux pas faire de prison ferme et ma peine est alarmante. Voulais-tu qu'on en arrive, mec, qu'on change d'humeur? J'ai tué mon espoir, mate les conséquences du meurtre. Obligé de laisser mon cœur inerte, la vie une corrida. J'ai pris le taureau par les cornes et on s'en dégoulinait. Où voulais-tu que j'en arrive, mec? La trahison m'oppresse. Pardonner ces types après qu'ils m'aient tapé dans les omoplates. Fallait bien que j'apprenne, que j'approche ce pacte d'amitié, que je l'écrase dans la braise. Tu voulais quoi, MC? Que je plaise au miche, que je pèse, que je te dise, que je te baisse dans le pis. Que la Belgique est morte, mais c'est mon trône. C'est en argent dans la merde que j'ai pu taffer mon crawl. Tu voulais que je reste drôle dans mes registres, avec ce poids sur mes épaules et dans la peau ce mal de vivre. Que tous mes sauts soient des blancs, que mes sentiments se mesurent juste au poids des pigments. Mais j'ai franchi ces barrières et ces barbelés. Le communautarisme dans mes textes finit écartelé. Quand s'empare des dévitres, on paxe l'équipe. Ça casse le feat, et c'est Y et dans tes barbes fumées. J'suis mal nourri, t'sais, j'suis pas Louis XVI. Dieu m'a corrigé quand il a vu que je m'épanouissais. Regarde ton fils traîne dans la bruit saine. Sa caisse d'Aka, j'ouvrais mon cœur, mais il pourrissait. C'est d'Aka à OPAK, c'est pas de l'opéra gars, tu peux pas stopper la case. J'ai du mal à joindre les deux bouches, m'appelle pas Jamel Debbouze. Toi t'es fou, par chez nous la peine te bouffe. Tout ça pourquoi? Pour faire kiffer mes syllabes. Qu'est-ce qu'il y a? OPAK, Zaka et syllabes. Nos vies sont pas désirables, on reste dans le tirage. Et le sillage, c'est si rare, des gars qui ont des belles images. J'fais ça pour Zaka, mes parents et ma petite femme. C'est ma reine, j'vais dorer ses doigts comme la Tifa. J'ressens pas la Tikfa, cousin crois pas que j'y vague. C'est pour KF, Ghetto, Christo et puis Divla. Et puis v'là, ma gueule a plus à la prochaine. C'est Zaka, AO, pas Crodave la prochaine. Que oui, Ranière, car je te raconte pas le projet. Un pied TGV, même sans cacher, ça coûte pas trop cher. Mes expériences, mon vécu, mes rencontres m'ont fait devenir ce que je suis. Un gars simple qui combat les inepties. On a beau vivre dans un monde de bruges, je fais partie de ceux qui négocient. Pas de ceux qui s'associent au diable et qui empruntent tous les raccourcis. Tu voulais peut-être que je devienne barge, car la violence est à la mode. J'ai préféré rester sage et la mettre à l'amende. Et puis à l'heure où tout le monde frime, le matérialisme prime. C'est pour les gens qui restent mêmes que j'ai de l'estime. J'aurais pu être du style arrogant, grande gueule, inélégant, mais mes valeurs ont pris le devant. Jamais je me rabaisserai à devenir un mouton qui suit le rang. Je resterai ce gars que seuls ses proches regardent dignement. Je fais partie de cette génération que cette société rend hardcore. Mais mes amis et le sport vont t'empêcher de causer du tort. Il faut que tu captes que je ne serai jamais ce qu'ils veulent que je sois. Ma route est longue de 25 ans, crois-moi j'ai fait mes choix, mec. Y'a encore du chemin à faire et des tas de choses à apprendre. J'ai voulu la fin de la guerre, ils m'ont ramassé à 30. Ils ont volé la joie des frères et ils veulent pas la rendre. Je veux pas faire de prison ferme et ma peine est alarmante. Où voulais-tu qu'on en arrive, mec, qu'on change d'humeur? J'ai tué mon espoir, mate les conséquences du meurtre. Obligé de laisser mon cœur inerte, la vie une corrida. J'ai pris le taureau par les cornes et on s'en dégoulinait.